grave fan. J'adore. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Épisode 2, Brigitte. Et du coup, vous avez rencontré Canopy parce que vous aviez souhaité exposer. Est-ce que vous avez pu exposer dans d'autres endroits ou pu montrer votre travail un peu plus professionnellement ou ça s'est jamais fait ? C'est intéressant comme question parce que c'est un point qui est difficile pour moi. J'ai exposé dans des hôpitaux, dans des structures, dans des EHPAD aussi, puisque j'y travaillais quand j'étais consultante. Comment vous dire ? Il y a quelque chose qui m'échappe, c'est l'aboutissement du collage, c'est-à-dire que je ne l'encadre pas, je ne le soigne pas. Il m'a soigné au moment où il est apparu, où il a émergé, et souvent je les donne, parce que les gens vont me dire « Ah mais ça c'est moi, c'est complètement moi !» Voilà, donc j'ai pas le pas de la vente, je ne l'encadre pas, je ne prends pas soin, une fois qu'il est fait. Et ces derniers temps, justement, j'ai tout sorti. C'est un moment de rupture, justement, sur le rond, c'était stop. Donc j'en ai jeté beaucoup, j'en ai donné beaucoup. À mesure que les gens me venaient, ils me disaient « Ah, ça, celui-là, il me parle beaucoup. » Le collage vous fait du bien plus dans l'action de le faire que dans le fait de le regarder plus tard. Qu'il soit regardé, c'est une chose, mais qu'il soit vendu, c'est... Par exemple, moi, j'en ai certains qui font partie de mon parcours thérapeutique aussi, hein, parce que j'ai quand même une psychologue qui m'accompagne de loin en loin. Et voilà, cela, il ne parle qu'à moi. D'accord ? Et il raconte... dans ma thérapie, moi, avec ma thérapeute, par exemple, on peut avoir une séance, et après, je vais créer un collage qui illustre ce qu'on a travaillé. C'est une personne à qui j'ai offert des collages. C'est une personne qui est venue à mon exposition à l'hôpital, par exemple. Donc, voilà. Donc, pour moi, le collage peut être exposé, peut être vendu, bien sûr. Moi, non, j'en suis à un stade plus d'intuition de produire. Et si je montre, c'est comme je fais dans les ateliers, vous savez, à la fin de l'atelier, on regarde. Et on dit, tiens, qu'est-ce que ça m'évoque ? C'était un choix d'exposer dans les hôpitaux ou c'était parce que vous aviez des liens avec ces structures-là ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai deux liens avec l'hôpital. J'ai eu le lien d'avoir fait beaucoup travailler en EHPAD, parce que dans mon histoire, mes grands-parents ont une place très importante et que c'est un peu un hommage que je leur rendais. Et d'autre part, moi, j'ai eu un problème de maladie auto-immune et donc je suis suivie dans un service à la Rivoisière. Et eux, ils ont ce qu'ils appellent une exposition patient-artiste. Donc, j'ai présenté mes collages, il y a une sélection. Et là, pendant un mois, vous êtes exposé dans la consultation externe. Et là, il y a une inauguration. Donc, tous les, on va dire, les sommités, les professeurs des services viennent, les infirmiers, certains patients. Et donc, on fait une visite guidée de ces collages. Et là, vous aviez créé des collages spécialement pour cette exposition ou vous en avez sélectionné quelques-uns que vous avez ramenés pour l'exposition ? Voilà, c'est la deuxième solution, okay. C'est que j'en ai qui sont typiquement de mon parcours de suivi dans cet hôpital aussi, qui sont beaucoup sur, j'ai toujours pareil, hein, la place, l'univers, la lumière, les astres, un côté assez cosmique. Moi, dans mes collages, déjà, il n'y a que des femmes, et il y a beaucoup de papillons, parce que c'est une de mes métaphores personnelles. Et c'est aussi une façon peut-être de dire la chose suivante, c'est que moi, quand on me voit, on a l'impression que je suis extravertie, toujours dans une énergie extrêmement positive et dynamique, et alors que finalement, j'ai mes downs et ups, et que, par exemple, là, aujourd'hui, je parle, je suis dans down, mais je veux dire, pour vous parler, il y a tout le up qui revient, la passion. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Et je voulais vous demander, parce que je vois que sur Instagram, vous êtes assez active, c'est quoi votre rapport à ce réseau social ? À ce site-là ? Ouais. Déjà, c'est de vous suivre aussi, parce que vous y êtes beaucoup également. Et puis, c'est... Comment dire ? Voilà, c'est de... Par rapport à ce que je fais, ce que je vois, ce que je pense aussi beaucoup, parce qu'en ce moment, il faut penser le monde de demain. Hein, donc, et avec le temps qui passe, la mort qui peut s'approcher plus... par l'âge, hein, mais ça ne veut rien dire du tout, mais quand même, si moi j'y pense plus. Donc voilà, c'est là où je pose ce qui me passe par la tête. Et souvent, les pensées du matin, qui pour moi, sont celles un peu qui ont pu s'échapper d'une nuit, qui ont traversé des rêves. Et donc, souvent, j'écris le matin. C'est une sorte de petite routine. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Oui, ouais, le mot entre routine, mais ça ne va pas, Clara, aussi. Hein, et rendez-vous, voilà, j'ai rendez-vous avec des gens que je ne connais pas. Hein, et qui, après, me disent que ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, voilà, je cherche des gens qui vont avoir coïncidence avec ce que j'écris ou ce que je montre comme création. Je montre beaucoup de créations. Hein. C'est un plaisir de partager ça avec d'autres gens et qu'ils puissent se reconnaître dans votre travail. Ou en tout cas, se projeter. Moi, j'aime pas qu'on se reconnaisse dans mon travail, parce que c'est pas possible. Mais en tout cas, qu'on se dise, ça me parle. C'est, vous voyez, comme l'expo qu'on a autour de nous, là. Non, il y a des photos, ça me parle. Mais fort, hein. Ça toque. Donc, voilà. Vous faites de l'écriture aussi? Beaucoup de poèmes, c'est ça? Beaucoup de poésie. Ça rime souvent, je fais beaucoup de poésie. Voilà, les thèmes sont toujours profonds, souvent noirs. Vous étiez à l'atelier l'autre jour où j'ai lu un poème que j'avais écrit et que j'ai un peu chanté. Voilà, c'est sur des points d'ombre, plus que... C'est sur le sens, et bah, ça rejoint le reste. Hein. J'ai l'impression que vous utilisez dans les mails ou même sur Instagram, j'ai peut-être moins fait attention, mais beaucoup les points de suspension. Ouais. En quoi c'était un signe qui vous parlait ou qui était important pour vous? Déjà, c'est de suspendre la phrase et peut-être de laisser celui qui le reçoit la terminer. Ou en tout cas, penser aussi que c'est une main tendue. Et puis, j'aime cette façon de juste poser, vous voyez, un tout petit point qui en dit. Mais c'est vrai que même en vous écrivant, j'essaie de... Moi, le banal m'horrifie, donc j'essaie d'avoir une façon de communiquer comme ça qui dit que c'est bien moi qui vous ai envoyé. Papoterie, un podcast retour sur la vie. La mode, c'est aussi un espace qui vous intéresse, parce que vous êtes toujours super bien habillée, bien coiffée et tout. Est-ce que c'est aussi une forme d'expression, comme le collage ou l'écriture? Ouais, Clara, vous êtes super lookée aussi, hein, chacune à votre façon, de toute façon, mais oui. Moi, ce que j'ai exploré, c'est qu'il y a des gens qui n'allaient pas bien et qu'en changeant assez peu de choses à leur façon de s'habiller et de se tenir, pour moi, le vêtement est une nouvelle façon de pouvoir s'exprimer. Donc, pour moi, il a toujours été un accessoire, il a toujours été élégant et souvent les gens me disent que je suis élégante comme si j'allais sortir, quoi. Je suis toujours prête à sortir. J'ai horreur des chaussures plates, j'ai horreur des baskets, j'ai pas les cheveux roux pour rien, enfin voilà. Il y a une façon aussi de ne pas passer inaperçu et de laisser une empreinte, quoi. Donc c'est aussi ça. Et donc ça m'a permis aussi d'animer, vous savez, sur un stage sur comment trouver au mieux une façon de se vêtir par rapport à votre carrure, votre taille, votre carrure. Êtes-vous plutôt rectangle? Êtes-vous plutôt triangle? Êtes-vous plutôt ovale? D'accord? Voilà. Sur le maquillage, je suis assez légère vu que j'ai des cheveux roux. Je me dis un petit coup de rouge à lèvres. Et quand... Un détail important, c'est que quand je suis dans l'introspection, je mets beaucoup moins de rouge à lèvres. Ça, vous pouvez tout de suite voir si je suis dans une phase extravertie ou introvertie. Vous avez tout un rapport aux couleurs un peu particulier, parce que vous êtes souvent en noir, mais vous avez quand même les cheveux roux. Là, vous avez du violet, il me semble. Mmh. Est-ce que les couleurs ont un sens? Non, c'est les chakras. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, aussi, on est dans le violet. Il y a aussi, il y a toute une spiritualité autour de la couleur et de sa douceur et... Voilà ce qu'elle provoque en moi, et finalement, si tout est harmonieux aujourd'hui dans ce violet, le violet c'est un peu le chakra couronne ici, hein. C'est quand même une volonté un peu d'élévation. Le monde qui s'agite en ce moment m'invite un peu à prendre cette distance plus spirituelle, quoi, comme ça. Hein. Ma couleur de vie, on va dire, c'est l'orange. Donc après, il y a les couleurs qui nous le gris, ça peut être... Et le noir est un assemblage de toutes les couleurs. Et donc c'est une forme c'est une façon d'échapper à... de passer inaperçu, finalement, le noir. Et, okay. Et de rester élégante. Par exemple, ça serait impensable de... J'ai pas d'exemple concret, mais imaginons un moment où vous avez envie de rester bien ancré dans la réalité, être concentré, de mettre du violet, ça serait quelque chose qui serait en contradiction avec le violet, c'est pas la terre. Oui, hein, c'est ça. Je le mettrais, mais là, moi, je dirais non, je ne le mettrais pas. Mais il y a aussi des couleurs que je n'utilise pas. Ce ne sont pas mes couleurs, mais pour autant, je sais le pouvoir du bleu, je sais le pouvoir du vert, je sais le pouvoir du jaune. Puis le rouge, c'est quand même aussi le chakra racine. Hein. Donc, on va dire tous les instincts. Merci beaucoup. Merci d'avoir accordé un peu de temps avec nous aujourd'hui. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.